Tempo 107. Allez, c'est parti. Tous les livres de grande philosophie me racontent tous, avec des mots bien choisis, que pour être heureux, il faut savoir oublier ce qui a fait mon futur et mon passé. Ne garder que le présent comme un animal et ne plus réfléchir que comme un animal. Comme un animal. Comme un animal. Penser, rêver, vivre et bouffer comme un animal. Et c'est pour moi une chose impossible, car je connais trop ma condition d'homme, l'humanité pourrie qui envahit mon moi, elle est et sera toujours là. Ne garder que le présent comme un animal et ne plus réfléchir que comme un animal. Comme un animal. Comme un animal. Penser, rêver, vivre et bouffer comme un animal. Mathieu me disait que le métier d'artiste est compliqué, car il est sans repos, que le cerveau compliqué ne se repose que la nuit, et qu'un artiste travaille toute sa vie. Comme un animal. Comme un animal. Comme un animal. Comme un animal. Sauvez-moi.